mercredi 3 août 1960 par délégation des pouvoirs que je tiens du peuple nigérien qui m'a placé à la tête de l'État en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance du Niger. Le 5 août, c'est la Haute-Volta. Par la voix de son président, Maurice Yaméogo.